إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله تعالوا معي لنقضي هذه اللحظات المباركة مع كتاب الله كيف عباد الله نزل القرآن كيف عباد الله نزل القرآن فإن القرآن هو كتاب الله الخاتم إلى أهل الأرض وله منزلة عظيمة في قلوب المسلمين. Mes frères, on va méditer ensemble aujourd'hui comment le Coran, ce noble livre, a été révélé. Naam, le Coran, comme vous savez tous, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est le sceau des livres. Naam, sur les habitants de la terre. Et il y a dans ce Coran un degré élevé sur le cœur des musulmans. Ibad Allah. نزل القرآن على مرحلتين. Le Coran, mes frères, il a été descendu en deux étapes. الأولى نزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. La première étape, mes frères, la descente complète du Coran, نعم, في بيت العزة, qui s'appelle la maison de la gloire, dans le, نعم, aux cieux. وذلك بدليل قول جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة. Le dalil ou le verset où Allah Azza wa Jalla dit d'après le sens, nous l'avons révélé dans une nuit bénite. إن أنزلناه في ليلة القدر. Nous l'avons révélé la nuit du destin. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan, c'est le mois où le Coran a été révélé. فدلت عباد الله هذه الآيات على أن القرآن أنزل جملة واحدة في ليلة القدر. Et ces trois versets qu'on a mentionnés prouvent que le Coran a été, نعم, révélé, نعم, complet en une seule nuit. وقد روى النسائي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. Et le Coran d'Ibn Abbas a été descendu complet en un seul instant dans la nuit du destin dans le ciel de ce bas monde. وقال عبد العزيز بن باز رحمه الله عن بيت العزة وكل السماء فيها بيت للملائكة يتعبدون فيه. À propos de la maison de la gloire, elle s'appelle بيت العزة. C'est là où le Coran il a été révélé. نعم, chaque ciel, il dit Cheikh Ibn Baz رحمه الله, contient une demeure dans laquelle les anges adorent Allah Azza wa Jal. Wa baytul izza baytun fis sama, c'est une maison, une demeure qui est au ciel. Fis sama id dunya yata'abadu fihi al malaika, les anges ils adorent Allah Azza wa Jal dans cette demeure là. Wa fis sama as sabi'a al baytul ma'mur kama ta'lamun. Et au septième ciel, il y a quoi? Il y a baytul ma'mur, là où il y a 70 000 anges qui rentrent chaque jour. Na'am ibad Allah. والمرحلة الثانية في نزول القرآن, نزول القرآن منجما أي مفرقا بواسطة جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Et la deuxième étape, mes frères, qui est une étape, une révélation au fur et à mesure. Il est descendu en complet في بيت العزة, puis après il est descendu. Naam, il a été révélé au fur et à mesure par l'intermédiaire de Jibril, comme vous savez, sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأوا على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Le verset où Allah Azza wa Jalla dit, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. Graduellement. Naam ibad Allah. Hikmati ou hikmatu nuzul al-Qur'an mufarraqan. La sagesse, mes frères, de la révélation du Coran dispersée. Pourquoi il a été révélé séparément et graduellement? كانت الكتب السماوية السابقة تنزل على الرسل جملة واحدة. Les livres qui nous ont précédés de tous les messagers, comme l'Injil, le Torah et autres, ont été descendus en un seul instant, un seul coup. نعم عباد الله. وقد اعترض المشركون على نزول القرآن مفرقا. Et les polythéistes de Quraysh, mes frères, n'admettez pas, n'acceptez pas, naam, que cette révélation est faite par phase. Naam ibad Allah. Qala jalla wa ala. Wa qala alladhina kafaru law nuzzila alayhi al-Qur'an jumlatan wahidatan kadhalika linuthabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila al-Furqan. Allah azza wa jalla dit la connaissance. Et ceux qui ne croient pas disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Les mushrikin ta'ajjabu. Des livres qu'ils ont précédés, ils ont été descendus une seule fois. Pourquoi le Coran il est dispersé? Pas en une seule fois. Allah Azza wa Jalla dit d'après le sens, nous l'avons révélé pour raffermir ton cœur. Et nous l'avons récité soigneusement. Yaqul Cheikh Saleh Ibn al-Uthaymin rahimahullah fi sharh usul al-tafsir yaqul rahimahullah hal min al-hikam fi nuzul al-Quran mufarraqan awwalan تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Et Ibn al-Uthaymin dit dans sur le tafsir, la sagesse de la révélation espacée avait pour but de raffermir le cœur du prophète صلى الله عليه وسلم. وقد ينسى الإنسان. Et des fois l'homme, il oublie certaines choses. Quand on lui rappelle un verset, يعني c'est comme s'il a été révélé la première fois. ويغفل. Il est insouciant des fois l'être humain. وهذا فيه ازدياد ثبات. وَمِنَ الْحِكْمَةِ إِزَالُ الشُّبُهَا. نعم. Le fait, la sagesse, pourquoi elle a été révélée séparément? Pour enlever les ambiguïtés. Quand les phares de Quraysh disent ça sur l'islam, ils disent ça sur Allah, ils disent ça sur Yom al-Qiyamah, Allah Azza wa Jalla révèle des versets pour enlever les shubuhat qui sont les ambiguïtés. وَيَقُولُ رَحِمُ اللَّهِ وَمِنَ الْحِكْمَةِ أَنَّهُ سَهْلٌ مِنْ الْحِفْظِ. Et parmi la sagesse qu'il a été révélée graduellement, c'est pour faciliter l'apprentissage du Coran. Naam ibad Allah. Wal amal bi, afin de le mettre en pratique aussi graduellement. Naam. Wa fihi at-tadarruj fi at-tashri'. Il y a des étapes dans la législation. On donne un exemple, un seul exemple, pour ne pas être long. Concernant le khamr, l'alcool, il n'a pas été révélé yani, l'interdiction formelle directe. Parce qu'ils buvaient beaucoup d'alcool, ils étaient connus pour la consommation d'alcool, les Quraysh, les Arabes avant l'islam. Allah Azza wa Jalla a commencé graduellement. Yas'alunaka 'anil khamr. Il t'interroge sur l'alcool. Il t'interroge d'abord. Yas'alunaka 'anil khamr. Puis plus tard, il a été révélé. Wa la taqrabu as-salat wa antum sukara. Et n'approchez pas de la prière en étant ivre. Donc, bechoyé. Tadaruj, ça s'appelle en arabe. Après, Allah Azza wa Jalla dit plus tard. Wa innama al-khamru rijz. L'alcool, c'est une impureté. Et après, Ali dit, قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ فَجْتَنِبُوا. Il y a un grand péché dans cela, éloignez-vous de moi. Yani, التَّدَارُج. C'est pour ça la personne, on ouvre une parenthèse, quand il commence à entrer en islam, ou il commence à pratiquer l'islam, تَدَارُج. شَيْئًا فَشَيْئًا. Il commence petit par petit. Car il ne peut pas faire tout d'un coup. S'il fait tout d'un coup, comme on a vu plusieurs personnes, ils ont voulu tout appliquer en 6 mois. 6 mois plus tard, il a tout arrêté, il est devenu encore pire qu'avant. أي نعم عباد الله وقوله جل وعلا لنثبت به فؤادك أي قلبك pour raffermir ton cœur. نعم c'est-à-dire le cœur du prophète صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله أنزل الله القرآن على النبي أمي لا يكتب ولا يقرأ. Comme vous savez tous, le Coran a été révélé au prophète صلى الله عليه وسلم à quelqu'un qui ne savait pas lire. Il était illettré عليه الصلاة والسلام. Il ne savait pas lire et pas écrire. لأن الكتب التي أنزلت على الأنبياء كانوا الأنبياء يكتبون ويقرؤون. Les livres qui ont été révélés aux prophètes, ils savaient lire et ils savaient écrire. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنهم اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقا قالوا هل أنزل عليه جملة واحدة. La première chose, Ibn Abbas l'a expliqué quand le verset a été révélé, c'est les juifs, quand ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une révélation, la première question qu'ils ont demandé, est-ce qu'il a été descendu complètement le Coran? Est-ce qu'il a été descendu ou révélé complètement? Comme a été révélée la Torah et l'Évangile. ويقول القرطبي رحمه الله لأن من القرآن الناسخ والمنسوخ. Car dans le Coran il y a des versets qui abrogent et qui sont abrogés. ومنه هو جواب لمن سأل عن الأمور. Et il y a des questions ou des réponses à des questions qui ont été posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأيسر على العامل به. Et c'est facile pour mettre en pratique, pour qu'elle ait été révélée graduellement. فَكَانَ كُلَّمَا نَزَلَ وَحْيٌ جَدِيدٌ زَادَهُ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ. Et chaque fois qu'il y a une révélation qui descendait, ça raffermit les cœurs des croyants et du prophète صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد عباد الله, يقول ربنا جل وعلا إنه لقول رسول كريم. Et Allah عز وجل dit d'après le sens, et ceci est la parole d'un noble messager. ذي قوة عند ذي العرش مكين. Un messager d'un noble, Naam, qui est doué d'une grande force, qui est Jibril alayhi salam. Le messager dans ce verset-là, c'est Jibril, yani. كما قال العلامة الفوزان حفظه الله, يعني جبريل. أعطاه الله قوة وأعطاه الله مكانة وقربا منه سبحانه وتعالى. Jibril, c'est l'ange où Allah Azza wa Jal lui a donné une force, lui a donné une raison, une intelligence, il lui a donné un rang élevé auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. مطاعا ثم امين. Jibril alayhi salam, il est comment dans le verset? اي تطيعه الملائكة. C'est un ange qui est obéissant. نعم وامين. Amin, qui t'a dit digne de confiance. Eh, naam, risala, de perdre confiance en confiance. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, huwa amin, sadiqul amin, wa Jibril amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme de confiance, le sûr, naam. Et Jibril, c'est quelqu'un de confiance. Il ramène une révélation, il n'y a pas de mensonge. Ay tuti'u al-malaika, amin ala wahyillah. Amin ala wahyillah. C'est-à-dire, il est d'une confiance totale à la révélation d'Allah Azza wa Jal. Hadi awsaf ou Jibril. Ça, c'est les caractéristiques de Jibril. Fawa aminun ala wahyillah. La yazidu fi wa la yanqus. Ni rajoute dans la révélation d'Allah un mot, ni l'enlève. Wa innama yuballighuhu kama tahammalahu anillah. Il transmet ce qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé. Wa al-Qur'an. كلام الله منزل غير مخلوق قال تعالى تنزيل الكتاب من الله. Le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est pas une création comme le prétendent certaines sectes musulmanes. Allah Azza wa Jalla dit, c'est une révélation de la part d'Allah Azza wa Jalla. وهو كلام الله قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله وقال تعالى حتى يسمع كلام الله. Ils veulent changer la parole d'Allah, ou jusqu'à qu'ils entendent la parole d'Allah. Wa qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, a'udhu bi kalimati. Il demande la protection de la parole parfaite d'Allah azza wa jal. Parfaite d'Allah. Le Coran, kalam Allah azza wa jal. Amma al-asha'iratu fayaqulun innahu maktubun fi al-lawh al-mahfuz wa inna jibril akhadahu min al-lawh al-mahfuz wa nazala bihi ala Muhammad wa hadha qawlun batil fa inna jibril لم يأخذه عن اللوح المحفوظ وإنما أخذه عن الله عز وجل مباشرة. نعم هو مكتوب القرآن في اللوح المحفوظ ولكن جبريل أخذه عن الله عز وجل. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح المحفوظ. Contrairement aux Ash'arites qui disent quoi? que le Coran, il est dans le lawh al-mahfouz, dans la table préservée, et que Jibril, il a pris le Coran, il a révélé, il a pris de la table préservée, il a descendu au prophète, il a révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wala qawlun batil, c'est faux ça. Jibril, alayhi salam, le Coran, il était dans le lawh al-mahfouz, mais il a pris de la part d'Allah Azza wa Jal mubasharatan, en direct. C'est pour ça que je dis c'est une création, parce que le lawh al-mahfouz, le Coran il a été créé, il est dedans, donc c'est une création le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Vous voyez, c'est grave, y'a ce qu'il dit. Et encore pire, al-Shi'a al-Rawafid, yaquluna al-Quran muharraf wa naqis. Encore pire, les chiites, al-Rawafid, parmi les sectes égarés des chiites, pas tous, mais une grande, le Rawafid, on appelle ça, ils disent que le Coran, il manque des choses. Naqis, il n'est pas complet, il manque des muharraf. Il y a des choses qui sont fausses dans le Coran. Hada ibadallah nasiha li kitabina ou li kitabillah azza wa jal. Ça c'est un conseil pour le livre d'Allah azza wa jal qui a été révélé au mois de Ramadan. C'est un livre qu'on doit le lire. On multiplie sa lecture pendant le mois de Ramadan. Une, deux, trois, maximum. Tu le lis autant que tu peux. Dès que tu as du temps, tu lis après chaque prière. Dès que tu as du temps, tu lis le Coran, tu le mets en pratique. Na'am ibadallah, tu l'apprends si tu peux. Et ainsi de suite, mes frères. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Wa'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf al-nahar. واجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرحم أموات المسلمين في كل مكان, اللهم أرحم أموات المسلمين في كل مكان, اللهم أرحم أموات المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرفع هذا البلاء كورونا, اللهم أرفع هذا البلاء كورونا, اللهم أرفع هذا البلاء كورونا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.